الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه نحمد الله عز وجل على نعمة هذا الجلوس من أجل الله مع إخوة لنا في الله أعزاء في بيت من بيوت الله نتفقه في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها علينا أجمعين ويدفع عنا كل سوء ومكروه. Avant de commencer notre cours de sirah sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et le loue à nouveau pour ce grand bienfait par lequel il nous comble régulièrement à travers ses assises. Ceci est un grand bienfait, un bienfait inestimable, un bienfait incommensurable. Et n'en connaît sa valeur, son mérite que Allah subhanahu wa ta'ala. Puis n'en regrette sa fréquentation que celui qui le perd et s'en voit madha interdit. Et c'est pour cela qu'il nous faut régulièrement et souvent remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses assises entre frères dans lesquelles on se rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. On se rappelle la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'enjoint mutuellement la vérité et mutuellement l'endurance. Voici un grand bienfait. Et le prophète alayhi salat wa sallam nous dit « Man yuridillahu bi khayra yufaqihu fi din » Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Il nous dit également « Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma » Sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Et celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et notre science, celle-ci pour laquelle nous nous asseyons chaque vendredi depuis un long moment, c'est l'étude de la biographie, de la vie, des étapes de la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des biographies, celle dans laquelle on apprend à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine passée, nous étions en train de nous rappeler Ghazwat Fath Mecca, la conquête de la Mecque. Et à titre de rappel, la cause où je vais questionner certains d'entre vous, quelle fut la cause de Ghazwat Mecca ou Fath Mecca? Quelle fut la cause de la conquête de la Mecque? Comment? Je ne sais pas entendu. La trahison de... J'entends pas. La trahison de quelle tribu? La tribu de Bani Bakr a attaqué qui? Khuza'a, na'am, qui était sous la tutelle de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous la tutelle des musulmans. Et ils ont été aidés par qui? Par Quraysh. Ainsi, Quraysh naqadat al-aqd. En faisant cela, Quraysh a annulé le traité qu'il y avait entre le prophète alayhi salat wa salam et eux-mêmes. Donc le prophète alayhi salat wa salam a levé cette grande armée suite à la venue du Khuza'i qui l'a informé de cela. Il a levé une armée de combien d'hommes? Ce fut la plus grande armée. Naam. de 10 000 hommes. Naam. Et ils sont sortis en direction de Mecca en informant personne de la trajectoire empruntée. Naam. Donc, le prophète alayhi salat wa salam a encouragé les sahaba et les tribus voisines à se joindre à lui. Et ils sont sortis jusqu'à arriver proche de Mecca. Et cela durant quel mois? Durant le mois de Ramadan. Naam. Durant le mois de Ramadan. Puis lorsqu'ils sont arrivés proches de Mecca, Abu Sufyan, radiallahu anhu, et d'autres étaient sortis, ils ont vu beaucoup de lanternes au loin. Alors ils ont commencé à conjecturer ou bien à s'interroger. Abu Sufyan disait c'est Khouza'a, ou bien l'autre disait c'est Khouza'a, et ils discutaient. Au final, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Al-Abbas, est arrivé sur la barre là du prophète, alayhi salatu wassalam, et il leur a dit, par Allah, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa sabah à Quraysh. Au final, le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Zubayr et a envoyé Khalid, radiallahu anhuma. Tous deux sont entrés à Mecca par l'endroit désigné par le prophète, alayhi salatu wassalam, Sa'd, pareillement, et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même. Au final, Quraysh a peu combattu et certains ont fui. Quraysh a peu combattu et certains ont fui, et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wassalam est entré à Mecca et de son bâton il cassait les fausses divinités, il cassait les idoles. Nous avons vu également que certains ont fui et certains ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala à l'islam, qui à l'ouverture de Mecca s'est converti. Parmi ceux qui faisaient partie des grands ennemis du prophète alayhi salat wa salam, Ikrima, qui est le fils de Abi Jahl, Ahsan, Jazakallahu khayra, Barakallahu fik. Ikrima, il s'est sauvé de quel côté et quel événement historique l'a fait revenir à l'islam? Naam. Il s'est sauvé en direction de la mer, en direction de Judda, et il a emprunté la mer. Que s'est-il passé? Il y a une tempête. Naam. Et là, il a fait un vœu. Si Allah Azza wa Jal le sauvait, il revenait. Il reviendrait voir le prophète sallam et embrasserait l'islam. Et la aqida qu'il avait quant à la rububiyya d'Allah l'a guidé à la bonne croyance dans la uluhiyya. C'est-à-dire que si Allah Azza wa Jal est le seul qui peut les sauver en cas de difficulté, c'est le seul qui mérite l'adoration. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah l'a guidé et il se convertit à l'islam. On a mentionné deux autres. Naam. On a mentionné deux autres, dont un de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui était-il? Abdullah ibn Umayya. Naam. Indaman. Al-Harith, quelle est sa cunya? Sa cunya, elle ressemble à la cunya d'un autre compagnon très connu, Abu Sufyan. Mais ce Abu Sufyan là, c'est pas Abu Sufyan, l'époux de Hind, père de Muawiyah radiallahu anhum. Mais c'est Abu Sufyan al-Harith, qui est le fils de qui? Naam. وعم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc de Abu Talib ou bien Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, lui, il était contre le prophète alayhi salatu wassalam et c'était un de ses ennemis les plus acharnés. Et lorsqu'il a voulu se présenter au prophète alayhi salatu wassalam, il l'a refusé, il ne l'a pas accepté. Lui ainsi que celui qui faisait beaucoup de satire à son encontre. Par la suite, qui est-ce qui a intercédé en leur faveur? Naam. Comment? Umm Sulaym. C'est une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Ummu Salama. Ummu Salama. Na'am. Et elle a attendri le prophète alayhi salatu wa salam à leur sujet. Lui, il les a acceptés, ils se sont convertis à l'islam wa hasuna. Islamuhuma radiyallahu anhuma. Tayyib. On s'est arrêté où la semaine passée? Qu'est-ce qui me rappelle là? La semaine passée, ça a été à quel passage? Naam, voyez. Parmi les événements, on avait mentionné la qissa de Ummu Hani. Naam. Radiallahu anha. Qui est Ummu Hani? Qui est Ummu Hani radiallahu anha? Elle a accordé l'asile à deux parmi les associateurs. Et Ali ibn Abi Talib a voulu en découdre avec eux, mais elle l'a empêché, puis elle s'est plaint au prophète alayhi salatu wassalam, qui a accordé l'asile à ceux auxquels elle avait accordé l'asile. Naam. C'est la sœur à Ali ibn Abi Talib. Ummu Hani est la sœur de Ali ibn Abi Talib. Et le prophète a dit: Ajarna man ajarti ya Ummu Hani. طيب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit les fausses divinités qui se trouvaient autour de la Kaaba. Puis le prophète alayhi salat wa sallam a ordonné à Bilal, Bilal ibn Man, le muadhin du prophète alayhi salat wa sallam, Bilal ibn Man, ابن رباح رضي الله عنه رجل عظيم رضي الله عنه. Il nous convient de lire et d'étudier la biographie de Bilal رضي الله عنه. Il y a des leçons à toute la communauté dans الثبات والصبر على الأذية في ذات الله تبارك وتعالى. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a ordonné de faire l'adhan. Il est monté sur Al-Kaaba et il a fait l'adhan. Et il a fait l'adhan radiallahu anhu. Et sur l'histoire en détail du hadith, il y a une divergence sur l'authenticité, mais il y a une base. Le prophète alayhi salatu wassalam ensuite a demandé qu'on lui apporte les clés mazda de la Kaaba. Entre les mains de qui étaient les clés de la Kaaba? Entre les mains de qui étaient les clés de la Kaaba? Celui qui répond, qu'est-ce qu'on lui donne comme récompense? Hein? Celui qui donne la bonne réponse, on lui donne 100 euros. Celui qui donne la bonne réponse, on lui donne 100 euros. Demain, Inch'Allah. Qui avait les clés de la Kaaba avant l'islam et pendant l'islam et après Fath Mecca? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a laissé les clés. Mettez-vous d'accord pour désigner celui qui répondra sans vous faire tomber dans le trou. Est-ce le chiffre qui vous a alourdi vos langues? Donc, je vous donne un indice. Le nom, le premier et le deuxième, naam, les noms, yani, il s'appelle par exemple Mohammed ibn Abdillah. Le premier et le deuxième, ces deux noms font partie des noms des 10 promus au paradis. Est-ce que vous avez compris cet indice? Il s'appelle Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel. Ces deux noms-là sont dans les 10 promus au paradis. On avance, on reviendra à cela, Inch'Allah ta'ala. Ou bien vous êtes pressé d'avoir la réponse. Qu'est-ce qu'on fait, Yanis? Tu vas désespérer d'eux? Ou tu espères encore? Tu espères encore? Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé à Mada à ce qu'on ouvre la Kaaba. Et il a demandé donc les clés de la porte qui se trouvait chez Bani Shaïba, auprès d'un homme dont vous allez trouver, Inch'Allah ta'ala, le nom et le prénom de son père. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, est arrivé et il avait en croupe derrière lui Oussama. Et on a longuement parlé de Oussama la semaine passée, il me semble. Vous savez donc tous qui est ce grand homme, fils du grand homme Zayd, radiallahu anhuma, le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y avait eux, et il y avait avec eux également Bilal ibn Rabih, radiallahu anhu, le muezzin principal du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, est entré en compagnie de Oussama et en compagnie de Bilal, radiallahu anhuma. Il y est resté un long moment. Il y est resté un long moment. Et après lui, les gens ont pu entrer dans le Bayt, dans le Kaaba. Abdullah ibn Amr a devancé les autres. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, a devancé les autres compagnons. Puis, il a immédiatement demandé à Bilal, subhanallah, une question qui montre combien il était à cheval sur les pas du prophète, alayhi salatu wassalam, et ses traces. Il a dit à Bilal, qu'a donc fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a prié, na'am. Dans quelle direction est-ce qu'il a prié? Allahu Akbar. Il a voulu suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, de la manière la plus minutieuse. Alors que celui qui se trouve à l'intérieur, na'am, quelle est sa qibla? Celui qui prie devant la Kaaba, c'est quoi sa qibla? C'est en face de la Kaaba, n'est-ce pas? Celui qui prend en dehors de la mosquée, quelle est sa qibla? C'est la mosquée. Celui qui est dedans, il prie. C'est la bonne qibla, quoi qu'il en soit. Lui a voulu prier exactement comme le prophète, alayhi salatu wassalam, car de par l'amour qu'ils ont eu pour lui, et l'amour qu'ils ont eu pour cette sunna, ils voulaient le suivre dans tout, de la manière la plus minutieuse. Donc ça, c'est une leçon dans le suivi du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Donc il lui a montré qu'il a prié entre les deux mada, les deux piliers. Il lui a montré qu'il avait prié entre les deux piliers qui se trouvaient devant, car il y avait trois lignes. Naam, il y avait trois lignes. Il lui a montré la première et il lui a dit qu'il avait prié entre les deux. Lorsque les gens ont pu entrer, ils ont donc fait la même chose. Il y avait des représentations. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons les effaçaient. Et parmi ce que le prophète, sallallahu alayhi wasallam, a vu, des représentations représentant Ibrahim, alayhi salam, et son fils Ismaïl, na'am, en train de commettre du polythéisme, wal'iyadhu billah. Puis, il a dit, oh combien ils ont menti sur ces prophètes, et ils n'ont jamais commis le polythéisme. Ils n'ont jamais commis le polythéisme. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, ceux qui ont menti à leur égard. Ceci est rapporté dans le Bukhari selon Ibn Abbas radiallahu anhuma. Également, on trouve que Oussama radiallahu anhu, ou plutôt il est rapporté dans Ghazwatul Fath et Mecca, certains événements, mais dans ces événements, les savants ont divergé. Est-ce que ça s'est passé durant l'ouverture de la Mecque, ou bien est-ce que ça s'est déroulé durant le pèlerinage d'adieu? Parmi ces événements, la question de Oussama au prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il lui a dit, où est-ce que tu descendras demain? Yani, où est-ce que tu vas loger? Où est-ce que tu vas loger? Parmi ces événements, la maladie dans laquelle Saad pensait mourir. Donc il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que je peux donner mais bien en aumône fi sabilillah. Le prophète sallam lui a dit de laisser tes héritiers riches à l'abri du besoin, c'est meilleur que de les laisser pauvres pour que par la suite ils aillent tendre la main. Alors le prophète sallam lui a dit madha, de garder une partie de ses biens et de dépenser une partie de ses biens. Au final, il lui a dit alors un tiers. Il a dit un tiers, et un tiers c'est beaucoup. Yani, tu as le droit de donner avant de décéder combien de tes biens, naam, en enlevant ce que tes héritiers vont avoir après toi. Le prophète lui a dit jusqu'à un tiers tu peux donner, mais un tiers c'est déjà beaucoup. À la kulli hal, en entrant à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'endroit, parce que suite au décès de ses proches, naam, de Aqil, il n'y avait pas eu d'héritage, car on hérite, le musulman n'hérite pas du non-musulman, tout comme le non-musulman n'hérite pas du musulman. À la kulli hal, après le décès de Abu Talib, il n'y a eu que Aqil qui a pris madha, c'est bien, c'est contrairement à Ja'far et à Ali radiallahu anhuma, qui tous deux étaient musulmans, ils n'ont pas hérité de lui. Donc ils n'avaient pas d'endroit pour yani, où aller sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de Bukhari Muslim, il nous est mentionné qu'il est parti chez Hani. On a déjà mentionné que Hani était la sœur de Ali radiallahu anhuma. Il y est entré, il s'est lavé et il y a prié. Naam, il est dit qu'il a prié 8 raka'at. Il a prié 8 unités de prière. Qu'est-ce que cette prière? Est-ce que c'est une salah que l'on fait shukran lillah ala hadha al-fath, ala hadha al-ni'mah, ou bien c'est salat ad-duha? Les savants ont divergé. Certains ont dit que c'était une prière pour remercier Allah Azza wa Jal de cette grande victoire, et d'autres ont dit que c'était salat ad-duha. Naam. Ainsi, ceux qui ont pris cet avis, comme c'est l'avis prépondérant chez Madha al-Hafid ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ou plutôt le Hafid ibn Hajar a cité différents avis. Naam, il a cité différents avis. Donc ceux qui ont vu que c'était salat al-duha, ils ont utilisé ce hadith pour dire qu'il n'y a pas de chiffre pour la prière de duha. Celui qui veut en faire 2, il en fait 2. Celui qui veut en faire 4, il en fait 4. Waha kada. Certains ont même vu qu'il n'y avait pas de limite. Naam. Hani radiallahu anha était en état de jeûne. Car souvenez-vous que nous sommes actuellement, durant quel mois? Le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan. Et certains jeûnaient et certains ne jeûnaient pas dû à la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son voyage avec les compagnons et aussi la supposée bataille. À la kulli hal, la servante a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger ou bien à boire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu de cela et en a donné à sa fille, ou bien il y avait à ses côtés sa fille Fatima. Il y avait à ses côtés sa fille Fatima et plus loin à sa droite Hani. Naam, ils ont donc bu. Et Hani a dit: ya Rasulallah, j'étais en état de jeûne. Ya Rasulallah, j'étais en état de jeûne. Puis il lui a dit: est-ce que c'est un jour que tu rattrapais, un jour obligatoire? Elle lui a dit non. Il lui a dit: alors ça ne te nuira en rien si c'était un jeûne, si c'était un jeûne recommandé. À l'ouverture de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam a grandement enseigné aux compagnons et il a fait plusieurs khutab, plusieurs prêches dans lesquelles il a enseigné beaucoup de choses aux compagnons. Il a interdit par exemple le combat à la Mecque et il a informé que c'était un territoire sacré et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu halal pour un temps déterminé. Il lui a rendu halal, c'est-à-dire licite le combat, le port des armes et autres, pour un temps déterminé. Mais que cela n'aura plus lieu dans le futur. Cela n'a pas été le cas avant lui et ça ne sera plus le cas après lui. Et ce temps limité était du lever du soleil jusqu'au asr. Jusqu'au asr. Il a donc informé de ce qui était interdit de faire à Mecca. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a prêté allégeance sur la hijra après l'ouverture de Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La hijra ba'd al-fath » Il n'y a plus d'égir, le fait de se sauver pour sa religion de Mecca vers Al-Madinah. Il n'y a plus d'égir. Il a dit « La hijra ba'd al-fath » Que signifie ce hadith? Ce hadith signifie que désormais Mecca est une terre d'islam. Donc il n'y a plus lieu de quitter la Mecque pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam al-Madinah. Car désormais la Mecque est également un pays musulman et jusqu'aujourd'hui, wallalhamd. Jusqu'aujourd'hui, wallalhamd. Naam. Cette terre qui est la terre la plus noble où il y a le Kaaba, où tous les cœurs, vers laquelle tous les cœurs convergent. Allahumma illa qulu. هؤلاء الضلال الرافضة si ce n'est peut-être le cœur de certains parmi الروافض qui détestent le pays du Tawhid et qui espéreraient détruire la Kaaba et enlever le Tawhid qu'il y a sur place pour pouvoir s'adonner à leurs pratiques des plus détestables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de par ce qu'elles contiennent comme polythéisme et comme innovation, iyadhan billah. À la kulli hal, quant à la hijra, de manière plus générale, elle est légiférée la yawm al-qiyam. Naam, car le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, a dit, la tanqati'u at-tawba, ou la tanqati'u al-hijra, hatta tanqati'a at-tawba, wa la tanqati'u at-tawba, hatta tatlu'a al-shams min maghribiha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'égir ne cessera jamais tant que le repentir ne cessera pas et le repentir ne sera point interrompu jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. » Donc le repentir est accepté jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Ça sera un des signes manifestes de la fin du monde et la porte du repentir sera fermée. Jusqu'à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, l'égir ne s'arrêtera pas. L'égir ne s'arrêtera pas. C'est donc légiféré. Et c'est une obligation. Et c'est une obligation pour celui qui n'a pas la capacité de mettre en pratique son dîn comme Allah Azza wa Jal lui a enseigné. Et de faire montrer de cela ce qu'il doit. Naam. Ça c'est le premier jugement et c'est la base. Et ceux qui n'ont pas fait l'égir ont été blâmés dans le Coran et la Sunnah. Le deuxième jugement, c'est de dire que c'est recommandé. À l'égard de qui? À l'égard de celui qui vit dans un endroit où il a la capacité de mettre en pratique son dîn comme Allah lui ordonne, mais il a aussi la capacité de partir. Lui, dans son cas, ça reste recommandé. Le troisième jugement, comme l'explique Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala, c'est ceux qui sont excusés. Ce sont ceux qui n'arrivent pas à pratiquer comme Allah leur a commandé, mais ils n'ont pas la capacité en même temps de partir, par manque de moyens, ou par manque, yani ils ne trouvent pas de terre, ou bien ils ne trouvent pas la personne pour les guider à ce chemin-là. Abdullah ibn Abbas et sa mère faisaient partie de ces gens-là excusés. Donc voici les trois jugements concernant Al-Hijra. Et on ne dit pas qu'elle n'est plus légiférée depuis l'ouverture de la Mecque. Celle qui n'est plus d'actualité à ce jour, c'est la Hijra de Mecca à Al-Madinah, car la Mecque a été conquise et est désormais terre d'islam. Et désormais terre d'islam. Hakadha barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses khutab dans ses discours, a beaucoup insisté sur le caractère sacré de la Mecque. Et il a réconcilié entre les différentes tribus arabes qui se combattaient auparavant. Et il a dit, toute histoire du passé, datant du passé, est désormais sous mon pied. Toutes les choses de la Jahiliya, elles sont sous mon pied. Personne pourra désormais venir réclamer le sang d'un tel, ou les biens d'un tel, ou bien des choses comme ça. Non. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est efforcé de semer dans les cœurs l'union, la cohésion, et de faire disparaître toute cause de divergence, toute cause d'éloignement, toute cause de haine, afin que les musulmans soient comme Allah leur a ordonné, comme Allah a aimé pour eux, na'am, comme Allah a voulu pour eux, iradatan shar'iyatan, comme un seul et même corps, comme un édifice. Innamal mu'minuna ikhwa. Na'am. Innamal mu'minuna ikhwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous à l'anse d'Allah, tous ensemble, et ne vous divisez pas. Hada amrullah. Na'am. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, inna Allah ya'murukum bi thalath wa yanhaakum an thalath. Allah vous a ordonné trois choses et nous en a interdit trois autres. Ya'murukum madha bi an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man walla Allah amrakum. Allah vous ordonne de l'adorer seul sans jamais rien lui associer. Il vous ordonne de vous cramponner tous ensemble à l'anse d'Allah et de ne pas vous diviser. Et il vous ordonne d'être de bons conseils pour ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Na'am. Donc ça, c'est un élément fondamental de la religion en islam. Il a également exposé, sallallahu alayhi wa sallam, ahkam ad-diyat. Il a également exposé les jugements religieux. Celui qui fait un mal à un tel, quel sera le dédommagement? Celui qui blesse un tel à la tête, celui qui enlève un membre à un tel, celui qui assassine un tel, quels seront les jugements? Il a expliqué tout cela, sallallahu alayhi wa sallam. Il a longuement remercié Allah Azza wa Jal également pour l'avoir secouru, pour lui avoir accordé la réussite et avoir mis en déroute les coalisés. Wa hakadha. Parmi les khutab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le racisme et contre le fanatisme, al-asabiyya. Na'am. Et il a démontré que cela faisait partie des attraits des gens de la jahiliya. Et il a blâmé cela, averti contre cela, et a interdit cela. Il a interdit de se vanter par ses parents, dire moi je fais partie de telle tribu, nous sommes les nobles, nous sommes les grands, et vous êtes les. Le prophète sallam a interdit tout ça. Tout cela amène l'inimitié dans le cœur des croyants et l'aversion. Naam. Et ça amène la haine et ça brise le cœur des faibles ou de ceux qui n'ont pas la noblesse. Et ça pousse les enfants des nobles à se voir supérieurs devant les autres par autre que le dîn. Et Allah Azza wa Jal ne nous a pas enseigné cela. Il nous enseigne inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Avant l'islam, il y avait ça. Il y avait les nobles et il y avait les moins nobles, il y avait ceux qui ne sont pas nobles. Pendant l'islam aussi, il y a eu ça, et après l'islam, après le décès du prophète, il y a eu ça. Mais ce qui a été interdit, c'est d'utiliser cette noblesse pour se mettre au-dessus des autres. De penser que cette noblesse, non, te donnait le droit d'être au-dessus des autres parmi les croyants. Suite à une couleur, suite à un nom de famille, suite, non. Le meilleur d'entre nous chez Allah, c'est le plus pieux. Ne vois-tu pas que l'islam a élevé Bilal al-Habashi? Et ne vois-tu pas que l'islam a avili Abu Lahab? Naam. De par son shirk et par son kufr, alors qu'il faisait partie des grands. Et Utba et autres. Donc l'islam a pour base al-tawhid wa sunna al-ilm wa al-amal. Celui qui a ça, plus il en a, mieux il est. Hakada. Plus il a de cela, meilleur il est. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, mariait des femmes nobles à certains parmi les compagnons qui n'avaient pas cette haute classe sociale. Mais de par leur islam, de par leur piété. De par leur islam, de par leur piété. Et ça, c'est une chose qu'il faut propager, qu'il faut enseigner, particulièrement aux anciens, avec science et avec sagesse. Car c'est une chose qui est ancrée dans les cœurs, beaucoup chez nous. Et il y a deux extrêmes, il y a le juste milieu. Certains pensent que l'islam a enlevé tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de noble, il n'a pas... Non, l'islam n'a pas enlevé ça. Mais l'islam a proscrit, a interdit le fait de se gonfler d'orgueil par cet attrait. Donc il faut le juste milieu dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc montré que le meilleur des gens était le plus pieux. La meilleure des personnes était la plus pieuse, de par son digne, de par son islam. Et il a montré que l'ensemble des hommes viennent de Adam, et que Adam venait de la terre. Puis il a mentionné à Yohannas, « Inna khalaqunakum min dhakarin wa untha » « Ô vous les gens, nous avons créé d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire de Adam et de Hawa. »« Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu » Et on vous a mis sous différentes tribus, na'am, pour que vous vous connaissiez. « Inna karamakum indallahi atqakum » Certes, le plus noble d'entre vous, chez Allah, est le plus pieux. « Inna Allah alimun khabir » Certes, Allah est savant, parfaitement informé. Le prophète alayhi salatu wassalam a également informé qu'après ce jour, l'ouverture de la Mecque, la tourza Mecca. Mecca ne sera plus mada conquise. Naam, ne sera plus conquise après ce jour. Le prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là a fait une chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. C'est qu'il a pris, il a prié toutes les salawat avec un seul wudu. Il a fait le wudu et il a prié toutes les prières. Alors qu'auparavant, quelle était sa sunna? Naam. Tajdidul wudu li kulli salah. Une sunna à sa voix, c'est de refaire le wudu pour chaque prière, même si tu as le wudu. Pour le asr, tu as déjà le wudu du dhuhr, mais tu refais le wudu pour prier l'asr. Naam. Non pas de refaire le wudu pour refaire le wudu. C'est pas légiféré de refaire le wudu si tu as déjà le wudu. Alors que tu n'as pas prié avec ce wudu. Ça, c'est le seul cas où c'est pas légiféré. Mais là, tu as le wudu. Tu as prié le dhuhr, par exemple. Arrivé au asr, tu refais le wudu, c'est une sunna. Mais ce jour-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait toutes les salawat avec le même wudu. Alors, Omar ibn Khattab lui a dit, ah, Rasulallah, tu as fait une chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Il lui a dit, amdan fa'altu. Je l'ai fait volontairement. Ainsi, nous savons que c'est permis de prier différentes prières avec un seul et même wudu tant qu'on ne l'a pas perdu. Il y a eu également une histoire. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, ya Rasulallah, inna bni araha bimra'a aizana bimra'a iyadan billah. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, ya Rasulallah, certes mon fils a commis la fornication avec telle femme. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, dhahaba amrul jahiliya. Ça c'était avant. Le prophète alayhi salam lui a dit, tout cela a disparu, tout ce qui était avant al jahiliya. Puis il a expliqué le jugement. Puis il a expliqué le jugement de cela. Parmi les jugements démontrés par le prophète alayhi salatu wassalam le jour de l'ouverture de Mecca, tahrim al-mut'a, mut'a al-nisa. Naam, ceci avait été permis dans un premier temps, puis ça a été interdit, puis à nouveau permis, puis ça a été madha, abrogé. Vous étudierez ce que signifie al-mut'a. Parmi les grands événements qui ont eu lieu, Islam ou Uthman radiallahu anhu. Qui est Abu Quhafa? Qui est Abu Quhafa? Tu sais qui est Abu Quhafa? Je ne sais pas. Naam. Abu Abi Bakr. Wa masmu Abi Bakr. وما اسمه أبي بكر tu sais celle-ci tu sais تفضل عبد الله entendu ce que nous a enseigné Yanis عبد الله ابن عثمان Abu Bakr c'est sa cognac n'est-ce pas quel était son prénom عبد الله quel était le prénom de son père عثمان retenez عبد الله ابن عثمان tous deux ont été célèbres par leur cognac Abdullah était célèbre par Abu Bakr et son père par Abu Quhafa. Tout comme Abu Huraira a été célèbre par sa kunya. Certaines personnes sont célèbres de par leur kunya. C'est le cas pour Abu Bakr. Naam, beaucoup ont donné ce prénom, or c'est sa kunya. Naam, or c'est sa kunya. Ala kulli hal, Abu Quhafa radiallahu anhu s'est converti à l'islam. Il était avec sa fille. Il était avec sa fille. Et il avait pratiquement perdu la vue ou bien était aveugle. Il avait atteint un âge très avancé au point où, dans sa description, on nous dit qu'il avait les cheveux tout blancs et la barbe toute blanche. Puis il a dit, « Ey Bunayati, qu'est-ce que tu vois au loin ?» Ça, c'était lors de l'ouverture de la Mecque. Elle lui a décrit, « Je vois du monde, et je vois un homme au milieu, et comme si les gens lui obéissaient. » Et elle lui décrivait. Puis elle lui a dit, « Je vois beaucoup de poussière, et je vois, et je vois. » Il lui a dit, « Oh ma fille, dépêche-toi et amène-moi chez moi. » Naam. Elle l'emmena. En chemin, lors de la conquête de la Mecque, son collier lui a été pris. Elle portait un collier, la fille de Abu Quhafa, radiallahu anhu. Il lui a été pris. Retenez cela. On passe à sa conversion. Abu Bakr, radiallahu anhu, après l'ouverture de la Mecque, a pris son père. Et il l'a amené devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a regardé le comportement du prophète alayhi salatu wassalam envers les personnes âgées. Oh vous mes chers frères qui venez à la mosquée pour apprendre votre religion. Sachez que parmi les grands points de notre religion, parmi les grands points de notre religion, parmi la grande beauté de notre religion, ikram dhi shaybatil muslim. Ikram dhi shaybatil muslim. Le fait d'honorer les personnes âgées, le fait de considérer les personnes âgées, de les respecter. Même si c'est ton aîné de peu, tu le respectes pour son âge. Quant à la personne âgée, fait partie des grands points de l'islam, le fait de la considérer, de lui accorder une place toute particulière. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme lui est amené, Abu Quhafa, tenu par son fils Abu Bakr, le meilleur des compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, oh Abu Bakr, pourquoi tu es venu avec lui? Naam. Pourquoi est-ce que tu l'as fait se déplacer? Pourquoi ne m'as-tu pas à la place informée? C'est moi qui me serai déplacé. C'est moi qui me serai déplacé vers lui. Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, Havidahullah ta'ala, ici, il ouvre une parenthèse. Et il dit, que pensez-vous de l'effet de cette parole dans le cœur de cette personne âgée? Naam, quand tu lui montres ses comportements de l'islam, quand tu lui montres le respect, la considération. Naam, n'entre pas en divergence avec une personne âgée sur une chose qui n'était pas obligatoire. Par exemple, tu viens devant. Naam, ça c'est un souci qu'on a régulièrement. Au masjid, il n'y a pas de place. Wa inna al-masajid alillah, inna al-ard alillah, il n'y a pas de place. Cette place, celle-ci, derrière, devant, il n'y a pas de place à la mosquée. La mosquée, elle est Allah Azza wa Jalla. Même toi qui l'as acheté 2 millions, à partir du moment où tu dis c'est pour Allah, c'est pas ta terre, c'est la terre d'Allah Azza wa Jal. Cette place, t'es pas plus en droit. Le premier qui vient, le prophète sallam nous dit c'est sa place. Même s'il part, il revient, il dit c'est ma place, tu te lèves. Pas besoin de laisser des choses comme certains font, tu mets un chapelet, tu mets kada wa kada. Et le chapelet c'est pas sunnah, c'est pas légiféré. Taïr. Toi tu as cette place là, c'est ta place. Mais une personne âgée vient et il te dit c'est ma place. Ou bien il te dit, tu es petit, laisse la place à ceux qui sont âgés. Naam. Si tu peux lui enseigner, il veut bien écouter de toi, que il n'y a pas de place et le premier venu, il prend sa place. Alhamdulillah, tu restes à ta place. Mais si ça va causer un trouble, naam, parce qu'il ne connaît pas ce jugement, parce que ça va amener un mal plus grand, toi, ça n'était pas une obligation de prier à cet endroit-là. Tu lui dis, il n'y a pas de problème, c'était ma place, mais je te la laisse pour Allah Azza wa Jalla. Naam, tu lui dis c'était ma place mais je te la laisse pour Allah Azza wa Jal. Naam, qu'Allah t'accorde chaque jour de prier au premier en Ammi. Dis-lui ça, fais-lui des duas, embrasse-le sur la tête. Wallah al-Azim, il va venir te prendre par la main, il va te reprendre à la place. Il va te remettre à ta place. Et peut-être qu'en dormant, il va penser à toi, il va faire des dua pour toi. Le lendemain, toi qui avais un petit truc dans ton cœur contre lui, Naam, il va venir, il va t'attraper, il va te considérer, il va te sourire tous les jours, jusqu'à ta mort peut-être. Ça, on l'a vu de nos propres yeux. Naam. Et ici, on voit des petits plus petits que nous, ce sont les protégés des papas de la mosquée, par leur comportement. Alors que nous, pour tenir ici, allez, c'est un peu difficile. Naam, c'est un peu difficile, mais tu prends l'habitude et tu les aimes, ce sont tes parents. Naam, ce sont tes parents. Quand il te crie dessus, ça veut dire qu'il est encore vivant, alhamdoulilah. S'il te crie dessus à la mosquée, ça veut dire qu'il est au masjid, masha'Allah. Ça veut dire qu'il fait salat. Naam, ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire qu'il te soutient, il est avec toi. Et c'est une cause pour que tu endures et que tu t'éduques avec les personnes âgées. C'est avec notre adab, il y aura le lien fort entre les personnes âgées et les jeunes. Mais si chaque personne, elle ne connaît pas le droit de l'autre, elle ne connaît pas le droit de la personne âgée, alors ça ramène des dissensions. Non. Le prophète alayhi salatu wasallam a dit, Abou Bakr, pourquoi tu ne l'as pas laissé chez lui? C'est nous, on se déplace vers lui. Puis, il l'a invité à l'islam, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est converti à l'islam. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est converti devant le prophète alayhi salatu wasallam. Il l'a tapé sur la poitrine et lui a dit « Aslim taslam ». Il l'a tapé comme ça sur la poitrine, il lui a dit « Convertis-toi et tu seras, et tu obtiendras le salut ». Puis il a prononcé « Ash-Shahad ». Il a été raconté qu'à ce moment-là, Abu Bakr a pleuré. Il a été raconté qu'Abu Bakr, à ce moment, il a pleuré. Et on lui dit « Pourquoi est-ce que tu pleures dans ce grand jour ?» Il dit « Parce que j'aurais aimé qu'à la place de l'islam du père de Abu Bakr, ce soit l'islam de Abu Talib ». De par l'amour que j'ai su pour toi dans cela. Allahu Akbar. Il l'aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il préfère ce qui réjouit le prophète alayhi salatu wassalam, à ce qui le réjouit lui-même. Allahu Akbar. Ça, c'est yani des darajat aliyah. Ce sont des degrés très élevés dans la piété, dans l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour cela que les savants ont dit, une des maisons les plus particulières de l'islam est la maison d'Abu Bakr. Pourquoi? Parce que des petits-enfants, jusqu'aux arrières, grands-parents, ils étaient dans l'islam. Des petits-enfants, jusqu'aux arrières-grands-parents, ils étaient dans l'islam. Abu Quhafa, c'est le père de Abu Bakr. Naam, sahulala. Abu Bakr aussi était dans l'islam. Et Abu Bakr, c'est le père de Aïcha, de Asma et d'autres. Naam. Et Asma a eu un enfant aussi. Qui était dans l'islam. Yani, toutes ces générations-là étaient dans l'islam. Toutes ces générations étaient dans l'islam et c'était une des rares maisons chez le sahaba où il y a eu cela. Falhamdulillah. Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a réuni les gens et qu'il a su qu'on avait pris le collier de sa sœur, il a appelé à ce qu'il lui soit rendu. Il a appelé à ce qu'il lui soit rendu. Et Nashad al-Nas Billah, il a appelé les gens au nom d'Allah et de l'islam. Et il a dit Tawqa Ukhti, yani le collier de ma sœur. Il a demandé aux gens de ramener le collier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Puis il a dit à sa sœur Ihtasibihi indallah. Espère la récompense chez Allah, patience. Espère la récompense chez Allah. Puis il lui a dit une phrase à retenir, qui a été dite l'année de l'ouverture de la Mecque, il y a des siècles. Wallah, innal amanata finnasi laqalil. Innal amanata finnasi laqalil. Comment est-ce qu'on va traduire cela? Chez les gens, le respect du dépôt. Naam, nous, communément parlant, on dirait les gens de confiance. Les gens de confiance. Sinon, c'est plus vaste que cela. Donc, cette qualité-là, chez les gens, elle est très minoritaire. Si Abu Bakr a dit ça à l'ouverture de la Mecque, alors que Sahaba était entré en masse dans l'islam, qu'est-ce qu'on va dire nous au jour d'aujourd'hui? Qu'allons-nous dire nous au jour d'aujourd'hui, Allahu Musta'an? Au jour d'aujourd'hui, tu trouves la personne qui joue Wallah et elle ment. Elle jure Wallah et elle ment. Iyadan billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu trouves la personne qui pour vendre sa marchandise dans le commerce jure par Allah et elle ment. Tu trouves la personne pour attirer les gens vers elle, elle jure Wallah et elle ment. Iyadan billah. Fanas'alullah azza wa jal as-salama. La loyauté est peu présente chez les gens comme on m'a soufflé. Le prophète alayhi salatu wassalam en ce grand jour a également démontré les règles du commerce. Et ça c'est un point très important, ceux qui commercent ont l'obligation d'étudier ce qui est halal et ce qui est haram, les transactions licites, des illicites. Il a montré parmi les choses illicites, la consommation, la vente, l'achat, le don, l'alcool, el-khamr. Le prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là a montré qu'il est interdit de vendre ou d'acheter de l'alcool, de vendre du porc et de vendre des idoles. Naam, on lui a demandé sur la graisse des bêtes mortes ou bien du porc ou autre. Il a dit c'est haram parce qu'il les utilisait eux pour graisser les bateaux. Naam, et pour d'autres sagesses encore. Mais le prophète a dit que c'était interdit. Dans le recueil de l'imam Ahmed, on trouve même qu'ils ont cassé les barils d'alcool. Ils ont cassé les barils d'alcool. Et une histoire qui a eu lieu à cette époque, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré un ancien ami à lui. Il a rencontré un ancien ami à lui avant l'islam. Lorsqu'il l'a vu, il avait de l'alcool. Alors il l'a offert au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wassalam lui a dit: ah, n'as-tu pas su qu'Allah a interdit cela? Alors cet homme a donné ça à son fils. Cet homme a donné ça à son fils et lui a parlé. Quand il est revenu, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: qu'as-tu donc fait avec ton fils? Il lui a dit: je lui ai donné, je lui ai dit d'aller le vendre. Il lui a dit: sache que celui qui a interdit sa consommation a interdit sa vente. Celui qui a interdit sa consommation a interdit sa vente. Et de là tu vois l'égarement de ceux qui disent: moi je travaille dans le porc, je travaille dans l'alcool, mais je bois pas. Naam, c'est haram. C'est haram, celui qui travaille dans un travail où il y a des choses illicites et qu'il les touche et qu'il les vend et qu'il les donne et qu'il les porte, c'est haram. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran: wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ithm wa l'udwan? Et entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le mal et la transgression. Donc c'est interdit de vendre de l'alcool. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont détruit les barils. Ils ont détruit les barils. Et de cela, tu vois la rapidité de la réponse des compagnons envers les ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également une histoire avec Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a appelée, lui a parlé, elle a pleuré. Puis il l'a appelée à nouveau, il lui a parlé, elle a ri ou bien elle a souri. Après sa mort, Aïcha radiallahu anha l'a questionné. Et je ne parle pas de l'histoire de la fin de sa vie, mais de l'ouverture de la Mecque. Et elle lui a dit: informe-moi de ce qui s'est dit. Elle lui a dit: lorsque tu m'as vu pleurer, le prophète alayhi salatu wassalam m'a informé qu'il allait mourir. Alors j'ai pleuré. Et lorsque tu m'as vu, et par la suite, il m'a informé que j'étais la meilleure des femmes du paradis, en dehors de Maryam bint Imran radiallahu anha. Alors j'ai ri. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Cheikh al-Albani nous dit qu'il est Hassan. Il y a eu également l'histoire de Atiyah. Qui est Atiyah, cet homme? Qui est Atiyah? C'est le frère de Sa'd ibn Abi Waqas. Atiyah ibn Abi Waqas, c'est le frère de Sa'd, radiallahu an. Il lui avait dit jadis: l'enfant de la servante, l'enfant de la servante de Zam'a, c'est mon enfant vrai. C'est-à-dire, akramakumullah, qu'il avait commis la fornication avec cette femme, avec cette servante. Et que l'enfant qu'elle a, en vrai, c'est le sien. En vrai, c'est le sien. Puis il lui a dit, il a dit à son frère: donc, si jamais il m'arrive quelque chose, ou il arrive quelque chose, prends cet enfant et occupe-t'en. Alors à l'ouverture de la Mecque, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu a vu cet enfant et il a vu qu'il ressemblait à son frère, il l'a reconnu, il l'a pris. En se rappelant sa recommandation. En se rappelant sa recommandation. Alors ils se sont disputés cet enfant. Sa'd l'a pris et il a dit, c'est l'enfant de mon frère. Wa Rabbi al-Ka'ba, par le Seigneur de la Ka'ba. Est-ce que c'est permis de jurer ainsi? Bi Rabbi al-Ka'ba, est-ce que c'est permis de jurer par le Seigneur de la Ka'ba? Oui, c'est permis. Qu'est-ce qu'il est interdit de dire? De jurer par la Ka'ba elle-même, c'est haram, c'est du shirk. Naam, de jurer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est permis ou c'est haram? C'est haram, c'est du shirk. Tu as élevé la créature à un niveau qui n'est pas le sien. Naam. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد أشرك. Celui qui jure par son père, par l'amana, par le prophète sallam, par le Kaaba, il a fait du shirk, haram. Mais on jure par le Seigneur de Mohammed, on jure par le Seigneur de la Kaaba. Ça c'est permis. Naam, ça c'est permis. À la kulli hal, ils se sont disputés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a jugé que l'enfant allait être retiré à Sa'd. Et il a dit, al-waladu lil-firash. L'enfant, il suit la mère et le couple de cela. L'enfant, il suit la mère, il est affilié à la mère. Naam. Et ici, dans ce cas, c'est-à-dire que on va l'affilier à cet homme-là, et non pas au frère de Sa'd qui a commis cet acte. Par contre, lorsque la femme n'a pas un homme qui lui est licite, et qu'une personne commet la fornication avec elle, l'enfant, il suit la mère, et il n'est pas affilié à cet homme. Lorsqu'un homme n'est pas marié avec une femme, et qu'il a un enfant, cet enfant n'est pas le sien en islam. C'est l'enfant de la mère. Il porte le nom de la mère. Il ne porte pas le nom du père, et le père n'a pas de lien avec cet enfant, il n'a pas le droit de prétendre à quoi que ce soit. Est-ce que c'est compris? Malgré ça, de par la forte ressemblance entre l'enfant et Atiya, et la famille de Sa'd, le prophète sallam a ordonné à une de ses épouses de se voiler devant lui, de se voiler devant cet enfant. Pourquoi? Parce que c'était Maza, son frère. Qui est cette femme? Yani de la famille plutôt de Zama'a. De la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Qui a un lien? C'est Sauda bint Zama'a. Donc c'est de sa famille. Naam, c'est la fille de Zama'a. Malgré ça, le prophète sallam lui a dit ihtadibi min. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait fortement à Atiya. Vous avez compris? L'enfant, il est de la famille de Sauda radiallahu anha, parce que c'est le fils de Zama'a, d'accord, qui est son père. Malgré ça, il lui dit de mettre le hijab devant lui, cet enfant, pourquoi? Parce qu'il ressemblait fortement à Atiya. Malgré ça, le jugement religieux, c'est que si elle est avec tel homme, l'enfant est automatiquement affilié à tel homme. L'enfant est automatiquement affilié à tel homme. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'homme, on ne l'affilie pas à l'homme qui a forniqué avec cette femme-là, iyadun billah. Mais on l'affilie que à cette femme. Il porte le nom de la femme. Il porte pas le nom du père. Naam. S'ils veulent se marier ensuite et que tous deux sont musulmans, est-ce que c'est possible? C'est possible à deux conditions. La première condition, c'est tawbah. La première condition, c'est le repentir sincère des deux. Afin de sortir de l'appellation de fornicateur. Si les deux se repentent, il reste une condition, c'est quoi? C'est l'iddah. C'est la période de viduité. La période de viduité, naam, si cette femme est enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, ils se repentent les deux. Elle accouche, ensuite ils peuvent se marier. Le deuxième cas, elle n'est pas enceinte. Ils se repentent les deux, ils veulent se marier. Combien de temps doivent-ils attendre? Ils doivent attendre une période menstruelle. Alors là, c'est menstruel, fini, c'est menstruel, ensuite ils peuvent se marier. Est-ce que c'est clair? C'est une question qui est souvent posée, inshallah, la réponse ainsi sera claire. Ainsi a répondu le grand savant Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dans ses fatawas. Le prophète alayhi salatu wassalam a appliqué les sentences, les jugements. Et il a jugé certaines personnes, celui qui buvait de l'alcool, celui qui volait, et ainsi de suite. Parmi les événements qui ont eu lieu, c'est qu'une femme noble a volé de la tribu de Bani Makhzoum. Et ça a été lourd sur Quraysh de la voir recevoir la sentence. Alors elle a dit qui pourra intercéder. Quraysh a dit qui pourra intercéder auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dit mutuellement, et qui d'autre si ce n'est le fils de son bien-aimé Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd radiallahu anhuma. Subhanallah, souvent ces noms reviennent, radiallahu anhuma. Alors Usama radiallahu anh a pris cette lourde tâche sans savoir ce qu'il attendait, et il a parlé au prophète alayhi salatu wassalam. La couleur de son visage a changé. Il s'est mis en colère, car on voulait intercéder dans un jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il lui a dit, « Ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Est-ce que tu viens pour intercéder concernant une sentence parmi les sentences qu'Allah a légiférées ?» Il a dit, « Wallah, si Fatima, la fille de Mohammed, avait été dans cette situation, elle aurait reçu la même chose. » Puis, arrivé au soir, il a fait une khutbah, ou bien il a appelé les gens, il leur a dit, dans les temps anciens, lorsque la personne noble commettait ce péché, on laissait passer. Et lorsque la personne de classe sociale basse commettait ce péché-là, alors on lui appliquait la peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que tout le monde était égal devant les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses ordres. Les Arabes de la péninsule arabique attendaient de voir la finalité de cet ordre pour savoir s'ils allaient entrer en islam ou non. Ils se sont dit, attendons de voir ce qui se passera. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'emportent, alors c'est vraiment un prophète. On lui suivra. Et dans le cas contraire, alors c'est entre eux. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam conquit la Mecque, ils sont entrés en masse en islam. Ils sont entrés en masse dans l'islam. Et parmi ceux qui se sont empressés d'entrer en islam, il y a la tribu de Amr ibn Salama. La tribu de Amr ibn Salama, son père, qui était un chef, Wallahu alam radiallahu anhum, est parti embrasser l'islam. Avec sa tribu qui l'a suivi, le prophète alayhi salatu wassalam leur a enseigné l'islam, leur a enseigné les bases de l'islam, les principes de l'islam, et il a beaucoup donné d'importance à la prière, les jugements de la prière, à telle heure il faut prier telle prière, la purification, les jugements de l'islam. Et il leur a dit, lorsque c'est l'heure, l'un d'entre vous fera l'adhan, et celui qui mémorise le plus de Coran fera l'imam. Vous avez bien entendu? Ou celui qui connaît le mieux le Coran, nous allons dire. Celui qui connaît le mieux le Coran fera l'imam. Lorsqu'ils sont revenus dans leur tribu, arrivés au moment de la salat, ils ont regardé qui allait pouvoir faire l'imam, qui connaissait du Coran. Et ils ont trouvé que celui qui connaissait le plus le Coran, c'était qui? Amr ibn Salam, ibn Salama. Amr ibn Salama. Vous savez quel âge il avait? Il avait 7 ans. D'autres ont dit moins, 6 ans. Amr ibn Salam, est-ce que vous imaginez qui a 6 ans? Kam inda? Kam amrak Ibrahim? 6 salawat. Allahu Akbar, Allah yubarik. Imaginez l'enfance, Allah yubarik afi, qui est ici à la place de l'imam. Est-ce qu'il va réussir à venir au premier rang dans notre mosquée? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Naam. Un enfant comme cela, c'était l'imam. C'était l'imam Amr ibn Salama. Et il était très modeste. Il avait un vêtement, mais ce vêtement-là n'était pas assez long. Donc à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, derrière, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Après la prière, le prophète alayhi salatu wassalam, après le taslim, il disait Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et certaines invocations, seulement à ce moment-là, il se retournait. Pour laisser le temps aux femmes de partir. Il n'y avait pas de séparation. Et il a dit, le meilleur rang des hommes, c'est le premier, le meilleur des femmes, c'est le dernier. Et ainsi de suite. Il craignait Allah, il y avait, et Ali, beaucoup de pudeur. Amr ibn Salama avait un vêtement court, et il n'avait pas beaucoup de moyens, il était modeste. Donc lorsqu'il faisait le sujoud, ou lorsqu'il se baissait dans la salat, son derrière, akramukumullah, se dévoilait. Vous avez compris la situation? Alors les femmes ont dit aux sahabas, « Oh vous, couvrez couvrez le derrière de cet enfant. Couvrez le derrière de cet enfant. » Une femme a fait la remarque aux sahabas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cotisés et ils lui ont acheté un beau vêtement pour faire l'imam. Qu'est-ce qu'il a dit à Ibn Salama radiallahu anhu? Il a dit, « Wallah, jamais j'ai été heureux comme ce vêtement qu'on m'a offert. » Hein, regardez la baraka de connaître le Coran. 6 ans, c'est l'imam, et il repart avec un beau vêtement, masha'Allah. Il a dit, je n'ai pas été plus heureux que ce jour où on m'a offert ce, yani, hulla, un très beau vêtement. Naam, et c'était l'imam de son quartier. 6 ans, c'était celui qui connaissait le plus de Coran. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouves dans nos mosquées, bihamdillahi azza wa jal, tu trouves que les papas, ils aiment beaucoup ceux qui apprennent le Coran. Nos papas, ils aiment beaucoup ceux qui apprennent le Coran et ceux qui apprennent la science. Et tu vois des papas venir nous voir, wallah, on a honte d'eux. Ils nous disent, oh mon fils, j'ai fait comme ça dans la prière, est-ce que c'est bon? Ça montre que chez nos papas, il y a du tawadu, il y a de l'humilité, ils sont humbles. Et ils n'ont pas honte de demander aux enfants, plus petits que leurs plus petits enfants, sur la religion d'Allah. Et c'est ainsi qu'il doit y avoir la relation entre nous et nos parents. On doit les élever, les mettre sur nos têtes. Et s'ils trouvent plus petit que dans la science, ils n'hésitent pas, ils viennent poser leurs questions. Naam, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Ba'd al-fath, après la conquête de la Mecque, toujours durant le mois de Ramadan, 5 jours avant la fin du mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ancré le tawhid à Mecca et dans la péninsule arabique en détruisant les emblèmes du polythéisme. Il a donc envoyé des délégations pour détruire leurs plus grandes idoles, à savoir Al-Lat, Al-Uzza et Manah, et d'autres également. Al-Uzza était leur plus grande divinité. C'était celle de Quraysh et de ceux qui les suivaient dans la religion. La plus grande chez eux, c'était Al-Uzza. Ensuite, c'était Al-Lat, et ensuite, c'était Manah. Et vous vous souvenez, lors de la bataille de Uhud, lorsque Abu Sufyan, radiallahu anhu, a dit à la falana Al-Uzza wa la Uzza lakum. Vous vous souvenez? Et le Prophète a dit, n'allez-vous donc pas lui répondre? Que nous venons donc répondre au message d'Allah, dites, Allahu maulana wa la maula lakum. À la kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé détruire Al-Uzza. Al-Uzza, c'était un édifice bâti sur trois arbres de Sumur. Naam. Et qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc envoyé Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu avec des cavaliers pour détruire Al-Uzza. Khalid radiallahu anhu s'est rendu dans cet endroit-là. Qu'on appelle Nakhla. Et il a détruit ces arbres, il a détruit les édifices qu'il a vus. Puis il est revenu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, irji' innaka lam tasna' shay'a. Il lui a dit, retourne, t'as rien fait. Lorsque Khalid, radiallahu anhu, est retourné à cet endroit-là, il a trouvé que as-sadana, ce sont les gardiens. Naam, ce sont les gardiens qui surveillaient cet endroit-là. Il les a vus se sauver vers la montagne et replier, rebrousser chemin. Et il a vu une djinniya. Une djinniya. C'était une femme avec beaucoup de cheveux et elle prenait de la poussière, elle se le jetait de la terre, elle se le jetait sur la tête. Naam. Et ils invoquaient l'Uzza, ils demandaient à l'Uzza de punir Khalid radiallahu anhu. C'est la mauvaise croyance qu'ils avaient, subhanallah. Alors Khalid radiallahu anhu s'est avancé. Naam, il a sorti son épée et il l'a coupée. Naam, il a tué Al-Uzza. Puis lorsqu'il est rentré, Il a raconté cela au prophète alayhi salatu wa salam qui lui a dit Tilka al-Uzza. Il lui a dit c'était elle, al-Uzza. C'est pour cela que certains parmi les ignorants se font tromper. Ils vont près d'une tombe et ils entendent une voix qui leur dit demandez-moi, je suis le pieux un tel. Puis il parle et on lui répond. Il dit Wallah, c'est vrai, j'ai entendu, on m'a répondu. C'est un djinn qui joue avec lui. C'est un djinn qui l'arnaque. Subhanallah. Mais le musulman, il sait que Allah nous dit dans le Coran que les morts, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas parler. Adorer les morts, les saints, les tombeaux, c'est du shirk. C'est la religion d'Abu Jahl et Abu Lahab. La religion du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la ilaha illallah. C'est la ma'bouda bihaqin illallah, c'est adorer que Allah seul sans associer. Khalid ibn Walid a tué et détruit l'Uzza. Lorsqu'il est rentré, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit c'était elle, l'Uzza. Dans d'autres versions de l'histoire, Khalid ibn Walid a levé son épée, il a dit Kufranaki ya Uzza la subhanaki inni qad ra'aytu Allah qad ahanaki. Na'am, je mécrois en toi, ô Uzza, et je ne te sanctifie pas, j'ai servi Allah, t'humilier. Hakada, il a détruit l'Uzza, la plus grande divinité, chez Kuffar Quraysh. Parmi les événements, le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé Sa'd ibn Zayd, radiallahu an, un compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Zayd. Il l'a envoyé à Manah, pour détruire Manah. Donc, Al-Lat, ou plutôt Al-Uzza, c'était des arbres. Mais en réalité, c'était une djinniya. Manah, c'était une pierre blanche qui était adorée. Qui était adorée. Elle était non loin de là, de la mer Rouge sur la côte, près de Koudaï. À la Kullihal, elle était vénérée par Al-Aws wa Al-Khazraj, les tribus de Médine. Na'am, il se mettait même en état d'ihram pour le Hajj à partir de Manah wa Al-Iyadu Billah. À un point tel que lorsqu'ils allaient faire être tawaf, arrivaient à Al-Sa'i, ils avaient honte de faire Al-Sa'i entre Safa et Marwa par honte de Manah. Ils ne voulaient pas faire Al-Sa'i, les allées entre Safa et Marwa. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أو عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Ce verset a été révélé pour orienter les Médinois, pour leur dire qu'il faut faire As-Sa'i et qu'il n'y a pas de mal à faire As-Sa'i. Na'am, ça fait référence à la mauvaise croyance qu'ils avaient avant l'islam. Donc on a détruit Manah, on a détruit Mada Manah, na'am. Il s'est avancé et les gardiens de Manah ont invoqué Manah pour qu'elle se défende et qu'elle punisse Mada Sa'd ibn Zayd. Puis il s'est avancé et il a vu une femme nue qui avait les cheveux tout hirsutes qui disait Wail, elle wail ou li, yani malheur à moi, malheur à moi. Et elle se tapait sur la poitrine et As-Sadana ou bien son gardien disait Ya Manah dounaki ba'da ghadabati, yani mets-toi en colère contre lui, punis-le. Puis Sa'd ibn Zayd sahib al-tawhid radiallahu an s'est avancé et il l'a tué. Donc il a tué Manah. Il y avait une djinniya encore derrière elle. Comme pour Al-Uzza, comme nous l'avons mentionné pour Al-Uzza. Par la suite, ils sont revenus auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour cette question, il n'y a pas de texte authentique, sanadan. Mais les historiens, Ahlusiyah, la racontent tous, donc je l'ai mentionné ici. Une histoire très étonnante que mentionne l'imam al-Dhahabi, c'est qu'il y a un endroit en Inde où ils ont adoré Manah. Et où ils disaient que Manah, qui était au Hijaz, s'est transformée et elle est partie en Inde. Et il y a un homme qui s'appelle Mahmoud, en l'an 1016, qui a entendu parler de cette fausse divinité. Il a traversé tous ces endroits, les déserts, les mers, il s'est rendu en Inde. Il a ouvert l'Inde et il a détruit leur fausse divinité. Il a détruit leur fausse divinité pour mettre le Tawhid sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala.